Les éditions La Fille d'à côté présentent Faustine, une saga biographique. Tome 5, Faustine et Julien, par Christina Schwab. Prologue. Faustine exulte. Enceinte, elle est, enfin, mettre un enfant au monde, quelle aventure merveilleuse. La grossesse se passe bien, l'accouchement à peu près aussi. Et il s'est empli de fierté qu'elle traverse l'Atlantique à nouveau pour présenter le nouveau membre à la famille. Retour en Virginie. Le fils de Faustine est bien sûr le plus beau bébé du monde. Un peu paresseux peut-être? Non, ce n'est pas tout à fait cela. Le destin a prévu bien autre chose pour elle qu'une maternité calme et sereine. Faustine, sous le choc, aura du mal à accepter que la vie lui joue un si sale tour. Le futur s'assombrit. Mais la vie s'accroche. Ne dit-on pas que nous ne traversons que les épreuves auxquelles nous pouvons survivre? À se débattre dans ses contradictions et ses faiblesses, à tenter de combattre le sort à tout prix, à refuser son destin, Faustine passera bien près de la grande faucheuse. Mais cette dernière a plus d'un tour dans son sac. Et quand c'est non, c'est non. Et débrouille-toi pour grandir avec ça.